Et j'y ai cru, moi. Je suis vraiment un con. Oh là là. On parle de magie, de David Copperfield. Et on jure qu'il s'étalerait si on coupait le fil. Il vole et moi j'y crois, on me dit des chantes. On parle de chance, de chance. On monte des grilles du loto. On dit bonheur, richesse, que je serais le mieux loti. On parle de siège, du 16, on parle de vie. Après la mort, on monte le ciel. On dit nuage, ange, moi j'y crois, clos. La nuit, il danse, on parle d'amour. On montre une rose qui fane, on dit enfant, femme. Moi j'y crois, c'est cœur qui s'enflamme. On parle du Père Noël, de Saint-Nicolas. On montre une cheminée, ça me connaît. On m'aura pas, je lui écris chaque année. On parle de cette satanée. Harmonie d'hier, on dit chaos. Du futur, on dit demain, c'est foutu et m'assure qu'on y est. Mais moi j'y crois, au prochain sourire. Je crois y renier, on dit que je suis trop niais. On parle de ci, de ça. Je pense que j'y crois et ça, les si. Je préfère ma bulle à vos sales récits. Y'a plus hiérarchie, c'est ainsi. Alors c'est comme moi, t'y crois encore, fais ainsi. On parle de ci, de ça. Je pense que j'y crois et ça, les si. Je préfère ma bulle à vos sales récits. Y'a plus hiérarchie, c'est ainsi. Alors c'est comme moi, t'y crois encore, fais ainsi. On parle d'esprits qui la nuit viennent de hanter. On parle d'une petite souris qui t'échange du blé compté d'anglais. On parle de contes de fées, moi je te compte les faits. On parle d'une lampe et d'un génie qui exauce tes souhaits. On parle de vampires, créatures, monstres du Loch Ness. On parle d'empires obscurs, d'endroits où les ogres naissent. On parle d'ovnis et d'histoires surnaturelles. On parle aussi en disant je te jure sur ma prunelle. On parle de malédiction, moi j'y crois. Destin, moi j'y crois. Fantôme, moi j'y crois. Imagine-toi, on promet le paradis après mon départ. On parle de voyance et de rêves prémonitoires. On parle de ci et de ça, on me raconte des histoires que je crois ou non. On balance tant de choses en ombre. Moi je veux y croire, je parle en mon nom. Donc laisse-moi mettre un peu de magie dans mon monde. On parle de ci et de ça. Je réponds que j'y crois et ça, les si. Je préfère ma bulle à vos sales récits. Y'a plus de mirage, c'est ainsi. Alors si comme moi t'y crois encore, fais ainsi. On parle de ci et de ça. Je réponds que j'y crois et ça, les si. Je préfère ma bulle à vos sales récits. Y'a plus de mirage, c'est ainsi. Alors si comme moi t'y crois encore, fais ainsi. J'ai peine à croire que l'on ne croit plus que nos rêves sont chimères. J'ai peine à croire que l'on ne voit plus les papillons collés sur le frigidaire. Mon utopie c'est ma survie, mon imagination fertile. Mais dans mes yeux l'espoir déserte-t-il. Un brin de trêve et un soupçon de malice pour un cerveau qui vagabonde. Des rêves de gosse et tout un pan de ma vie inonde. Si nos histoires dorment debout c'est qu'on n'est pas dead. Si notre histoire nous éclabousse l'échappatoire brain in my head. En moi et à mille lieux, mon cerveau et mon cœur au milieu. Voici le monde des cieux. Y croire un peu, c'est mieux. On parle de ci, de ça. Je pense que j'y crois et ça, les si. Je préfère ma bulle à vos sales récits. Y'a plus hiérarchie, c'est ainsi. Alors c'est comme moi, t'y crois encore, fais ainsi. On parle de ci et de ça. Je réponds que j'y crois et ça, les si. Je préfère ma bulle à vos sales récits. Y'a plus hiérarchie, c'est ainsi. Alors c'est comme moi, t'y crois encore, fais ainsi. Ce sont des légendes et des contes pour enfants, tout cela. Chaque fois que quelqu'un dit je ne crois pas du tout aux fées, quelque part dans le monde, il y a une fée qui s'éteint. Si j'arrête de croire et d'espérer, qu'est-ce qui me reste ?